Les rassemblements de solidarité avec la juste œuvre du peuple coréen ont eu lieu respectivement sous les auspices du Parti de la Patrie pour tous et du mouvement révolutionnaire Tupamaro du Venezuela. Y ont pris part les personnalités de divers partis politiques et formations et les habitants, l'ambassadeur coréen dans ce pays et son collaborateur. Les orateurs y ont souligné que la lutte des Coréens pour repousser les manœuvres américaines de provocation d'une nouvelle guerre, défendre la souveraineté et le droit à l'existence de la nation et accélérer l'édification du socialisme finira par triompher.